Depuis j'obtiens l'île de ce monde, que m'apportera-t-il de mieux? Pourrait-il me convaincre au pire? Pourrait-il me changer d'idée? Laissez-nous rêver de leur fantasme enfantin. Laissez-nous rêver de leur fantasme enfantin. M'imaginer un autre monde, un autre espoir, une autre vie. Paris, ce monde de fleurs fanées, ne puis-je pas croire en l'illusion? Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins. Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins. Ce monde n'a aucune existence, je ne crois pas me tromper. J'en sais déjà trop à mon âge, tu ne vas pas en rajouter. Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins. Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins. Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins. Laissez-nous rêver de nos fantasmes enfantins.